La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Evelyne se définit comme une chercheuse en abondance. Elle cueille dans son quotidien l'abondance offerte par la nature et choisit de rendre ses actes bonifiants en vivant dans un carter. Mais qu'est-ce qu'un carter ? Un carter est sans doute la maison la moins chère à construire. D'un diamètre d'environ 4 mètres, il est réalisé à partir d'une terre argileuse, d'herbe et de chanvre. Coût 0 euros, puisque tout est disponible en abondance dans la nature. Vous voulez en savoir plus ? Dans cette deuxième partie de l'émission, je retrouve Evelyne qui nous parle de son quotidien et nous présente son modèle économique. Donc en fait, tu as créé toi-même ton système économique, enfin je veux dire, c'est... Non, je suis dans le système normal, juste... Oui, mais tu l'as créé, c'est ta ressource, enfin c'est en créant, c'est grâce à des compétences ou à des connaissances oui, que tu arrives à générer... créer une entreprise ou créer... Oui, c'est tout simplement... C'est pas se mettre en dehors du monde, c'est se mettre au milieu du monde et lui proposer des nouvelles choses. Et les vendre éventuellement, pourquoi pas. Et c'est, voilà, et comme ça, au lieu d'aller acheter un truc berk, on achètera des choses belles, quoi. Combien tu as besoin pour vivre, sachant que ta maison, tu l'as faite toi-même? Enfin, combien tu dépenses? Alors ça, je peux dépenser très très peu. Moi, je dépense plus parce que là, je fais beaucoup de carter et je lance cette entreprise justement pour que des jeunes puissent vivre de ce qu'ils aiment faire et que plein de gens puissent vivre autour de ça. Moi, je ne sais pas, pendant des années, j'ai vécu avec à peu près 500 euros et je suis grandiose avec ça. Je n'ai pas les factures, je n'ai pas les crédits, je n'ai pas les machines à réparer, je n'ai pas toutes ces choses. Quoi. Donc, et je mange bio. Et, voilà. Et ces 500 euros, tu les générais comment? Actuellement, c'est avec les stages et avant, j'étais prof de piano. Je travaillais un jour par semaine en tant que prof de piano. C'est ce que tu disais, donc tu avais fait ce choix aussi par rapport au temps, le rapport voilà. Au temps. Donc toi, vraiment, c'était le temps qui était plus précieux que l'argent. Exactement. Et tu bossais un jour par semaine. Ouais. Donc l'idée, c'était de dépenser moins. Au tout début, il y a 20 ans, c'était d'avoir le temps, d'offrir du temps à mes enfants plutôt que d'argent. Voilà, du coup, ils étaient riches d'une maman qui avait du temps. Et il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas beaucoup de temps. L'école, tu me disais aussi, quand on s'est rencontrés dans l'autre côté de la route, qu'il y a un autre lieu, je ne sais pas comment tu l'appelles, c'est pas une carter, mais c'est du un coup, lieu de vie. On l'appelle la maison de chaume. C'est une maison en chanvre et chaud aussi, mais en chaume avec une ossature bois. Ouais. Et qui était une école? Ça a été la maison où j'ai élevé mes trois enfants. Ensuite, c'est devenu l'école pendant 5 ans. On a fait une école alternative pendant 5 ans avec l'inspecteur qui venait voir chaque fin d'année. On était agréés, école nouvelle. Quoi. Donc, c'était une école complètement différente qui a été une très belle aventure. Et on s'est appuyé sur aucune pédagogie ancienne parce que Freinet ou d'autres, ça a 100 ans. Et il est grand temps de passer à au moins mélanger toutes ces pédagogies ou aller plus loin. Nous, l'idée, c'était qu'on était tous à l'école, les parents, les enfants. Il y a pas l'école pour les enfants et les parents au travail. C'est l'école de la vie, on l'appelait un peu. Voilà, donc ça aussi, le rythme, encore une fois, ce rapport au temps. Est-ce que tu peux me parler de ton rythme sur l'année? Eh ben, l'hiver, j'hiberne et au printemps, j'émerge. Et je commence à construire plein de carter. Et effectivement, j'hiberne l'hiver à 6 heures quand il fait nuit, je suis dans mon lit. Ça ne veut pas dire que je dors, mais je suis dans ce cocon carter qui est chaud. Il y a le feu devant moi, il y a le bien-être. Et voilà, hiberner, je pense que vivre plus avec la nature et les éléments, il fait moins beau. Et voilà, quand il pleut, j'ai mon impair, je vais dehors. Et à partir du printemps, il y a les stages, etc. Donc, on se met à construire. Et l'été, voilà. Moi, je vis beaucoup dehors. Donc, chaque fois que je peux, même l'hiver. Donc, quand il pleut, j'ai mon impair et je vais dehors. C'est là qu'il n'y a personne. C'est chouette aussi. Mais tu fais quoi dehors? Je fais quoi? Je bonifie. Chaque action que je fais est bonifiante. Donc, je cueille une branche, je vais la donner au pied d'un fruitier. N'importe quel de mes actes est censément bonifiant dans ma façon de vivre, hiver comme été. Mais alors, ces actes, qu'est-ce qui va les déclencher? Qu'est-ce qui va faire? Tu vas prendre une branche pour la poser là. C'est la pensée? C'est la conscience? C'est l'intuition? Qu'est-ce qui va pousser tes actes? Je n'ai pas trouvé le mot, c'est la présence. C'est présent, présent, présent. Si tu es présent aux choses, que tu es vraiment là, que tu n'es pas dans tes pensées, dans tes soucis, dans toutes ces choses. Et quand tu as le temps, plus tu gagnes en le temps vraiment où tu es plus dans le stress, dans la peur du lendemain, dans le manque, dans les désirs que tu voudrais avoir plus, etc. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, quand tu as le temps, tu deviens de plus en plus présent. Et donc, si tu es présent aux choses, tu vas faire les bonnes actions, quoi. Je pense que c'est la présence en présence. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Tu es belle, tu as quel âge? Justement, je me trompais toute l'année. Dans quelques jours, j'aurai 56. Et toute l'année, j'ai dit que j'avais 57. J'aurai 56 là, bientôt. La journée, donc sur l'année, tu vis, tu hibernes en hiver, tu es plus sur le rythme des saisons. J'imagine que l'alimentation va varier aussi en fonction de l'année. Bah, l'hiver, il y a les potées sur le feu en permanence. Donc, il y a les légumes secs qui cuisent tout le temps sur le feu. Donc, tu as les lentilles, les pois chiches, c'est source de protéines donc très simples et qui cuisent presque tout le temps. Puis, tu rajoutes des herbes, tu rajoutes plein de trucs. L'hiver, ça cuit plutôt. Et puis, l'été, bah, ça mange cru les choses qui sont dans le jardin, etc. Voilà, ça devient logique. Tu ne te poses pas la question. Mais une journée, type, on est quoi? On est en été, donc on va prendre une journée en été. Comment tu agences ton temps? À quelle heure tu vas te réveiller? Comment tu vas gérer ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas en faire de ton temps? Alors là, il n'y a aucune réponse à ta question. Parce que justement, c'est organique comme vie, donc il n'y a pas d'organisation. Donc tu vis organiquement, c'est-à-dire que tu vas prendre ce qui va arriver ou la personne qui va passer, au lieu d'avoir prévu des choses, bah, tu vas la recevoir, etc. C'est comme faire ce qui vient, c'est comme accueillir ce qui va venir. Il pleut, alors tu vas faire quelque chose d'autre que s'il fait soleil. Il y a quelqu'un qui passe, tu vas t'asseoir avec lui. Alors bien sûr, il y a quelques obligations dans la vie de tout le monde, mais en avoir le moins possible, c'est plus organique. Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que tu n'as pas de contraintes quand je t'écoute. Oui, j'ai toujours appris à mes enfants de ne pas faire ce qu'ils n'aiment pas. Et il n'y a pas beaucoup de parents. Si tu n'aimes pas, le fais pas. Tu ne veux pas faire tes devoirs, ben, les fais pas. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas bien le faire. Tu ne vas pas apprendre vraiment. Et mes enfants faisaient vraiment leurs devoirs. Mais quand parce qu'ils choisissaient eux-mêmes, ce n'est pas moi qui les forçais. C'est différent. Mais là, voilà, si tu devais donner des conseils pour celui qui veut... Voilà, j'ai une vie très classique, très traditionnelle. Je me rends compte que j'ai peut-être un vide intérieur. Quelque chose fait que je trouve pas ma place. Je suis dans une quête de sens. Je veux apprendre à vivre de moins. Je veux apprendre à vivre avec moins. Quels sont les petits trucs pour commencer à essayer de se libérer de tout ce qui va être possession matérielle? Alors, je sais pas si tu peux vraiment dans un appartement ou n'importe. Donc c'est déjà tu peux libérer ce qui est dans ta tête de tous les soucis, tout ça, de peur du lendemain, etc. Et de lâcher prise un peu. Donc déjà le lâcher prise, c'est sûrement une belle solution. Mais après, quand tu commences à vivre nouvellement, voilà, moi j'ai les papiers essuie-tout, c'est des feuilles qui sont super douces, je pourrais t'en donner tout à l'heure. Le produit à vaisselle, c'est la cendre. Il y a 1000 petites choses comme ça qui apparaissent, qui sont... Parce que plus tu vis comme ça, plus tu découvres les petites choses qui sont de tous les jours. Mon éponge, c'est de la prêle ou de la... Voilà, chaque jour, je jette mon éponge sur le compost. J'ai jamais une éponge sale, du coup, j'ai pas besoin de l'eau de Javel qui va avec, etc., etc. C'est comme un engrenage, tu mets le... Voilà, il suffit... Je donne pas de conseils parce que j'aime pas donner des conseils, mais le petit conseil que je dirais, c'est mets ton doigt dans ce petit engrenage qui t'emmènera bien ailleurs que dans l'engrenage qu'on t'a choisi et qui est une grosse machine à broyer, sûrement, mais... Evelyne, oui. Qu'est-ce qui te fait peur? Je vais dire que c'est une des choses que j'ai enlevé de ma vie, c'est d'aller à la chasse aux peurs, c'est-à-dire pas de chasser les peurs, mais c'est de regarder ces peurs en face et d'aller les chercher au plus profond, toutes les petites peurs, et de les regarder. Une fois que tu les regardes, c'est quand elles sont cachées qu'elles font mal. C'est quoi alors? T'as peur de quoi? Il y a vraiment un travail où justement il y a de moins en moins de peur dans une vie comme ça, c'est clair. C'est ce que j'ose pas te répondre, mais ça paraît prétentieux de dire j'ai pas de peur. C'est pas possible, un humain sans peur, de toute façon c'est un humain qui vit pas d'abord, qui est en danger. Donc la peur est une très bonne chose. Il y a pur dans peur, il y a de la belle chose dans la peur. Mais si elle te domine pas, c'est juste ça. C'est peut-être ça. Enfin, après, là, au niveau où j'en suis ou dans ce que j'observe autour de moi, j'ai vraiment l'impression que souvent c'est les peurs qui peuvent T'as vu, limiter, pleurs, qui peur, peur. pur, tous ces mots qui sont proches. L'élan que peuvent avoir certaines personnes, ben non, j'y vais pas parce que j'ai peur, identifié ou non. Et finalement, on aspire tous à la même chose, c'est le bonheur. Donc, Evelyne, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Eh bien, il y a des jours où je suis heureuse, des jours où je suis pas heureuse. Mais c'est la seule chose qui compte. C'est alors moi, je fais ça comme ça. Là, c'est un geste. Donc c'est, il y a des jours ça monte, des jours ça descend. Et c'est juste accepter que des fois ça descende. Et quand tu l'acceptes, ça descend beaucoup moins bas. Et tu descends et tu montes et tu descends et tu montes. Il n'y a pas de vie totalement heureuse. Il y a des jours chouettes, des jours moins chouettes. Et les jours moins chouettes sont là pour t'apprendre des choses. Et quand tu les as acceptées, c'est pas du tout la même chose que quand tu les refuses. Et qu'est-ce que tu veux, ton idéal? Que tous les humains se mettent à rigoler, retrouvent l'enthousiasme, lâchent leur peur, peut-être justement tout ce que tu viens de dire et tout ça, c'est plus simple qu'on croit. Et j'ai profonde utopie que ça va le faire. Les humains, parlons-en des humains. Parlons-en, parlons de ceux qui nous sont proches. On va peut-être commencer par la famille et le regard que les gens ont, portent sur nos modes de vie ou là sur ton mode de vie, parce que c'est toi qui les questions aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis le regard de ta famille sur ton mode de vie? Mon papa vient de mourir il y a même pas un mois et c'est un homme qui a regardé ma vie sans jugement et merci parce que mes parents n'ont pas jugé mes choix et ça c'est peut-être un petit conseil si je peux en donner un, laissez vos enfants choisir leur vie comme elle est. Et c'est pas, c'est vraiment surtout qu'en ce moment on doit choisir des vies vraiment nouvelles. Et celui qui lâche ses enfants dans ses choix, même qui semble les plus saugrenus possible, alors c'est un parent qui fait bien son travail. Par rapport à la famille, il y a aussi toute cette société qui, elle aussi, a des fois un impact. Le regard des gens, on est beaucoup à le subir. Comment tu te positionnes par rapport à ça? J'ai opté pour enlever toute idée du quand dira-t-on. Qu'en dira-t-on? M'en fous. Et pas je m'en fous parce que je sais qu'on parle parfois. Mais voilà, j'ai pas pris d'importance à ce qu'on pouvait dire sur moi. Si je sais ce que je fais en profondeur et que j'agis pour la terre, pour l'humain, avec toute ma conscience et mon honnêteté, alors voilà, je suis honnête avec moi, c'est ça qui compte. En étant plus maintenant sur le côté projet. Donc les projets que tu nourris aujourd'hui, donc tu parlais des projets, ben là, un carter, un sans-abri, enfin essayer de développer un petit peu, apprendre, transmettre en fait. Transmettre cette connaissance, cette compétence. Il y avait avant une visite du lieu avec, voilà ça. Voilà, ça, le crib. Bon, peut-être je vais te lancer là-dessus. Hein, l'avenir des carters, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les prochains temps? Vers quoi est-ce que tu veux aller? Alors, il y a plusieurs projets. Donc là, il y a le plus grand projet important ici, c'est le CRIB, donc le Centre de recherche sur l'impact bonifiant, pour l'impact bonifiant, pardon. Et donc, c'est un lieu où on va, au lieu de faire des stages comme on fait 5 jours rapides, on va venir 4 semaines, 6 semaines ou plusieurs fois à chaque saison et où on viendra apprendre ce qu'on a trouvé ici et chercher avec nous. Donc, l'idée pour moi de justement, comme l'école qu'on avait ici, c'est d'apprendre et de chercher. Donc, pour moi, quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui cherche. Et donc, l'idée, ce sera de permettre aux gens qui viendront apprendre ici, ça va leur faire naître des idées en plus. Et ces idées, on essaiera de les mettre en application aussi saugrenues qu'elles soient. Et donc, ce sera ça le lieu de recherche sur l'impact bonifiant. Et donc, l'idée de base, ce sera de devenir des humains bonifiants. Et ça, c'est pour moi essentiel. Et si sur toute la planète, on retrouve cet acte d'être bonifiant dans tous nos actes, alors il n'y a plus de soucis écologiques ni tout ça. Il y a des jolis mots que tu dis, hein. J'aime bien le mot bonifiant, le mot abondance. Quel autre mot tu aimes bien? Amélioration. Parce que dans amélioration, il y a l'âme, il y a l'or, il y a ira, il y a plein de choses. J'aime beaucoup améliorer le lieu où je suis, quel que soit le lieu. Des fois, j'ai été dans des lieux très moches et je suis partie, c'était un peu moins moche. Et si tu fais ça partout où tu vas, alors tu deviens bonifiant, où que ce soit, même sur l'endroit le plus moche qui soit. Le CRIB, donc voilà, Ouais. Centre de recherche pour l'impact bonifiant. Il y a aussi un site internet pour découvrir un peu ce que tu fais, découvrir le lieu, les carters. Donc c'est carter.org et Vacances au Logis aussi, il y a 2 sites. C'est carter.org le plus important. Et donc là, ça explique le CRIB maintenant, ça y est. Ça explique comment organiser un stage chez soi. Ça explique comment venir faire un stage. Et puis bientôt, ça va expliquer la maison qu'on va faire sur Brasparts, là. On va essayer d'obtenir un permis de construire dans un lotissement, parce que les lotissements, pour l'instant, dévorent les terres agricoles petit à petit, tout le monde le sait, et n'améliorent pas le lieu. Et donc l'idée, c'est de faire dans un lotissement un petit jardin de 700 mètres carrés bonifiant au milieu des tondeuses et du goudron. Voilà, et des fosses septiques et tout ça. Donc on va faire l'inverse avec une carter. C'est bien parce que du coup, c'est pas forcément cette envie d'être en autonomie, en autarcie, non, c'est vraiment aussi de créer du lien avec la C'est société civile, l'inverse. quoi. Pour moi, l'autarcie, ça a été, voilà, mai 68, on a fait il y a beaucoup de gens qui sont partis vivre en dehors de la société. Ils avaient sûrement pas tort, hein, parce qu'il fallait faire un début de changement, mais souvent ils sont revenus et je pense que on est dans cette société. Moi j'aime cette société et avec tous ces boires et ces déboires. Mais dans les déboires, il y a justement à nous de proposer autre chose au lieu de dire les autres là-haut, les politiques, c'est des méchants, c'est tous des cons, etc. Autant faire des propositions. Donc, moi, ma démarche c'est de proposer. Après, on comprend pas, mais voilà, c'est faire au lieu de dire. Donc, déjà, moi j'ai essayé de faire avant de dire, mais c'est soit ce que tu dis déjà, après c'est arrête de dire que c'est les autres, et puis dans tes choix d'achat de tous les jours, tu peux déjà être super bonifiant. Si tu achètes propre, si tu achètes chaque jour, voilà, au lieu d'acheter le coton qui mange l'Afrique, peut-être tu vas acheter du chanvre, et ça va créer, je dis ça parce qu'en ce moment on manque de vêtements logiques, si tu demandes du chanvre, peut-être le chanvre va arriver sur les vêtements, etc. Et on va changer beaucoup de... On a une action de fourmi permanente, et c'est encore plus que le colibri, comme il disait Pierre Rabhi, il a raison de... On peut éteindre le feu, le colibri il éteint le feu, mais la fourmi, elle déplace, elle crée, et elle fait des micro-actions permanentes. Et des fourmis, il y en a des milliards, et ça c'est intéressant. Ouais, et puis il y a j'aime bien le rappeler aussi, il y a ce pouvoir qu'on a tous, c'est le pouvoir d'achat. Tu parles de coton, c'est nous qui choisissons de placer nos euros dans ce qui nous paraît être juste, mais il faut peut-être des fois simplement se poser la question du juste et de la conscience. Tu disais aussi de la présence. Ouais. Ben oui, la présence à ce que tu achètes et comprendre est-ce que ça a été fait dans des bonnes conditions ou pas. Et chaque fois que tu achètes une chose qui a été faite, des fois on est obligé parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais chaque fois que j'ai un choix où je peux acheter quelque chose qui a été fait dans des bonnes conditions, c'est ma démarche depuis 20 ans. C'est-à-dire si c'est propre, si c'est fait dans des bonnes conditions, je l'achète même à plus cher parce que je sais que là, je favorise le bonheur de travailler. Vous écoutez la voix du Kaizen. Pour finir, parole libre, il y a quelque chose que tu as envie de dire, de partager, de... Ose tes choix et rigole ta vie. Ok, et... Ose tes choix, rigole ta vie. Et aussi la phrase des toilettes sèches, hein, qui sont d'ailleurs magnifiques. Attends, je vais m'en souvenir parce que j'étais... Ah bah ouais, carrément. Il y avait le côté connaissance et le côté créatif. L'imagination est plus importante que le savoir, mais ça, c'est pas moi qui dis, c'est Einstein. Et donc, c'est une phrase que j'aime écrire partout parce que l'imagination, c'est ce qu'il faut rendre, pas rendre aux enfants, les enfants, ils l'ont, c'est ce qu'il faut ne pas leur casser, quoi. Et les laisser imaginer toujours. Alors, ils vont nous imaginer une vie nouvelle si on leur casse pas ça. Et donc, c'est beaucoup plus important que le savoir. Quand l'école va comprendre ça, ça va changer beaucoup de choses. Quand tu es né, tu avais l'enfant, il a l'imaginaire tout le temps. Il est tout le temps là, l'imaginaire. Et puis à partir d'un moment, on te dit c'est utopique, t'exagères. Aux femmes, on leur dit t'exagères, t'en veux toujours trop. T'as tes règles ou quoi? T'es utopique, tu lis trop de livres. Toutes ces phrases qui nous cassent petit à petit sur l'imaginaire d'un monde beau et vrai. Tu vois? Et chaque fois que tu imagines que ça pourrait être merveilleux, voilà, on va se moquer en disant ben non, et pourquoi pas? Si tu imagines, alors tu vas être utopique. On risque de te dire que c'est utopique. Mais moi, j'avais écrit ça dans mon bureau quand j'étais au lycée. C'est sans les utopies, on fera rien. J'ai jamais trouvé l'auteur de ça. Mais c'est une phrase qui m'avait vraiment touchée en tant que jeune adolescente. Voilà. Et du coup, j'ai gardé l'utopie parce que j'avais écrit ça dans mon bureau. Ma pr toute première phrase que j'ai compris en moi il y a 20 ans, c'est sois ce que tu dis. C'est important de d'abord être. Après, tu pourras dire. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.